têtue à la tâche. Toujours bosser, travailler sans relâche pour que ta famille ait de quoi manger. Mais est-ce que t'as pensé à ta santé? Pas de médecin, de cachet, des je vais bien, ça va passer. Tous te disaient de consulter, de te soigner, que ça risquait d'empirer, mais tu t'en foutais. La peur des docteurs te freinait, alors que tu savais qu'autant de boulot finirait par t'user. T'as pas pris le temps de t'amuser, de profiter de la vie, tu faisais pas beaucoup de visites par ici. Pourtant t'aimais la France, t'aimais ce pays, mais t'avais pas le temps. Trop de travail pendant que nous, trop de batailles pour te faire changer d'avis. Mais dis-moi, tu crois que c'est ça la vie? Une nouvelle étoile est née. Cette nuit-là s'est éclairée. Si loin et pourtant si près, tu restes dans notre cœur à jamais. Une nouvelle étoile est née. Cette nuit-là s'est éclairée. Si loin et pourtant si près, on t'aime et on t'a pas oublié. Ton dernier jour, ton dernier pas, ta dernière sieste, mais ça tu le savais pas. Tu peux imaginer le choc, mais on s'y attendait pas. Dieu t'a appelé trop tôt, on n'a pas eu le temps de te dire adieu. Depuis nous, on est toujours en bas, on continue à vivre en essayant de pas trop y penser. Sans pour autant t'oublier, t'as pris une place dans notre cœur à jamais. Tu nous as quittés, et pourtant il me reste l'impression que t'es toujours là. Que le jour où je passerai chez toi, je te reverrai. Tu seras là comme d'habitude, en train de taffer. Mais quand j'arrive, je sens un vide, rien à bouger. Comme chaque année, je t'ai pas retrouvé. J'ai beau me chercher une raison, mais pourquoi, pourquoi toi? Je trouve pas, trop de questions restent sans réponse. Une nouvelle étoile est née. Cette nuit-là s'est éclairée. Si loin et pourtant si près, tu restes dans notre cœur à jamais. Une nouvelle étoile est née. Cette nuit-là s'est éclairée. Si loin et pourtant si près, on t'aime et on t'a pas oublié. J'ai juste à lever les yeux vers le ciel, et je peux te voir chaque soir. C'est vrai qu'elle brille de mille feux, comme tes yeux remplis de joie. À chaque fois où on passait te voir chez toi, t'avais un cœur énorme. On pouvait y mettre l'amour de la terre entière. T'aurais pas hésité si tu pouvais exaucer toutes leurs prières. Le bonheur d'autrui faisait le tien, et ça c'est une qualité que toi seul c'est certain. Mais dis-moi, comment c'est là-haut? Est-ce que c'est beau, rempli d'anges avec les ailes qui poussent derrière leur dos, comme sur les vitraux qui décorent les églises? Je trouve pas les mots pour te dire combien ça manque te voir, ça manque t'entendre, combien tu manques. Une nouvelle étoile est née. Cette nuit-là s'est éclairée. Si loin et pourtant si près, tu restes dans notre cœur à jamais. Une nouvelle étoile est née. Cette nuit-là s'est éclairée. Si loin et pourtant si près, on t'aime et on t'a pas oublié. Une nouvelle étoile est née. Cette nuit-là s'est éclairée. Si loin et pourtant si près, tu restes dans notre cœur à jamais. Une nouvelle étoile est née. Cette nuit-là s'est éclairée. Si loin et pourtant si près, on t'aime et on t'a pas oublié.